Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 110. Du mensonge. Définition du mensonge. Division. Cas où le mensonge est un péché mortel. 1. Le mensonge est-il toujours contraire à la vertu de la vérité? La vertu de la vérité, et par conséquent le vice opposé, consiste dans une manifestation accomplie par des signes. Cette manifestation ou énonciation est tout à la fois un acte de la raison et de la volonté, de la raison, qui compare le signe avec la chose signifiée, de la volonté, nécessaire à tous les actes moraux. L'objet propre de la manifestation est le vrai ou le faux, mais, dans ce dernier domaine, la volonté déréglée peut porter son intention sur deux points, à énoncer le faux, ou à tromper. Si ces trois choses se trouvent réunies, fausseté de l'énonciation, volonté d'énoncer le faux, intention de tromper, il y a alors fausseté matérielle, puisqu'on dit le faux, fausseté formelle, puisqu'on veut dire le faux, fausseté effective, puisqu'on a l'intention d'inculquer le faux. Toutefois, le mensonge tire sa nature de la fausseté formelle, qui est la volonté d'exprimer le faux. Son nom même l'indique, car le mot mandatium est formé de contramentem dicere, parler contre sa pensée. Cela est si certain que, quand on dit une chose fausse en la croyant vraie, cette fausseté matérielle, qui est en dehors de l'intention, ne renferme pas l'idée complète du mensonge, au lieu que, lorsqu'on dit une chose vraie, en la croyant fausse, cette énonciation qui, considérée comme acte moral, renferme la fausseté par elle-même et la vérité par accident, est un véritable mensonge. On voit donc que le mensonge est opposé directement et formellement à la vertu de la vérité. Note. S'appliquer à faire adopter une fausseté est un acte qui appartient à la consommation du mensonge, mais non à sa nature même. Ajoutons que le mensonge, comme la vertu de vérité, ne consiste pas seulement dans les paroles. Celui-là s'en rend coupable qui veut énoncer le faux par un signe quelconque. Fin de la note. 2. Le mensonge est-il suffisamment divisé en mensonges officieux, joyeux et pernicieux? Le mensonge peut se diviser de plusieurs manières. Premièrement, d'après sa nature. Sous ce rapport, il se partage en deux. L'un s'écartant plus de la vérité, c'est la jactance, l'autre s'en écartant moins, c'est la fausse humilité, appelée par quelques-uns ironie. Secondement, on divise le mensonge d'après la culpabilité plus ou moins grande qu'il emprunte à la fin qu'il se propose. Le mensonge pernicieux a pour but de nuire, le mensonge officieux, de rendre service, le mensonge joyeux, de plaisanter. Commentant ces paroles du psalmiste, vous perdrez tous ceux qui profèrent le mensonge, psaume 5, 7. Saint Augustin dit, il y a trois sortes de mensonges, l'un se commet pour l'avantage de quelqu'un, l'autre pour divertir, et le troisième par malignité. Le premier s'appelle officieux, le second, joyeux, et le troisième, pernicieux. Note. Une troisième division, prise de la fin, soit que la fin augmente ou diminue la faute, renferme huit sortes de mensonges signalés par le même docteur. Les trois premiers sont pernicieux, mentir contre Dieu, dans l'enseignement de la religion, mentir contre l'homme, pour lui faire du mal, mentir, pour servir à l'un, de manière qu'on nuit à l'autre. Le quatrième, Mentir par inclination à tromper est une suite de l'habitude, ainsi que l'observe le philosophe, le menteur d'habitude cherche le mensonge même. Les quatre autres mensonges diminuent la faute, mentir dans le désir de plaire, mentir, sans nuire à personne, pour conserver les biens de quelqu'un, mentir, sans nuire à personne, pour sauver la vie, enfin mentir, sans nuire à personne, pour faire éviter une faute. Remarquons-le, plus le bien que l'on cherche est élevé, plus la faute diminue. Si on y regarde de près, on verra que ces huit sortes de mensonges suivent, pour la gravité de la faute, une gradation descendante. Fin de la note. 3. Tout mensonge est-il un péché? Il est écrit, « Gardez-vous de commettre aucun mensonge. » Ecclésiaste 7, 14. Ce qui est mauvais en soi n'est bon ni licite dans aucune circonstance. Or le mensonge est mauvais en soi, puisque l'acte qui le constitue porte sur une matière illégitime, les mots étant naturellement le signe des pensées. Il est contraire aux lois de la nature d'exprimer par la parole ce qu'on n'a pas dans l'esprit. Le vrai, disait très bien le philosophe, est bon et digne d'éloge, mais le mensonge est mauvais par sa nature même. Ainsi tout mensonge est un péché. Note. Le mensonge tire sa culpabilité, non seulement du tort causé au prochain, mais encore du désordre qu'il renferme. Il n'est pas permis de le proférer pour délivrer un homme d'un péril quelconque, bien qu'il ne soit pas défendu de cacher adroitement la vérité. Peut-être nous objectera-t-on que Dieu a récompensé le mensonge commis par les sages-femmes d'Égypte, qu'Abraham a menti en disant que Sarah était sa sœur, Jacob, en assurant qu'il était Ésaü, Judith, en trompant Holoferne. Dieu récompensa ces sages-femmes pour la bienveillance et la piété qui leur fit épargner les enfants des Juifs, et non pour le mensonge qu'elles commirent après. Abraham ne mentit pas en disant que Sarah était sa sœur, elle était effectivement sa sœur unilatérale, puisqu'elle était fille de son père. Quant à Jacob, il parla dans un sens mystique, il avait, d'ailleurs, acheté son droit d'aînesse. Judith est louée, non pour avoir trompé Holoferne, mais parce que, brûlant de zèle pour sa patrie, elle ne craignit pas de s'exposer au plus grand danger. Fin de la note. 4. Tout mensonge est-il un péché mortel? Le péché mortel répugne à la charité, qui donne la vie spirituelle à notre âme, en l'unissant à Dieu. Le mensonge pernicieux, soit que l'on entende par là celui qui cache ou corrompt la vérité concernant la religion ou les mœurs, soit que l'on entende celui où l'on se propose de causer du dommage au prochain dans sa personne, dans sa fortune ou dans sa réputation, est un péché mortel, parce que c'est un péché grave que de faire injure à Dieu ou de nuire au prochain. Il en faut dire autant de toute fausseté qui blesserait indirectement la charité par le scandale qu'elle donnerait ou par le tort qu'elle causerait. Le mensonge joyeux qui cherche l'amusement, et le mensonge officieux qui se fait pour l'utilité du prochain, ne sont pas contraires de leur nature à la charité. Bien qu'ils ne soient pas exempts de faute, ils ne sont cependant pas des péchés graves. Note. Vainement on allégrait certains textes de l'Écriture, ou le Décalogue lui-même, pour démontrer que tout mensonge est un péché mortel. La glose remarque formellement que les passages de nos livres saints, tels que ceux-ci, vous perdrez tous ceux qui disent le mensonge. Psaume 5, 7. La bouche du menteur tue son âme, Sagesse 1, 11, doivent être entendus du mensonge pernicieux. Les préceptes du Décalogue se rapportent tous à l'amour de Dieu ou du prochain, le mensonge défendu par l'un d'eux est celui qui blesse Dieu ou le prochain. La preuve en est dans le commandement lui-même, ainsi conçu, tu ne porteras point faux témoignage contre le prochain. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.